En Corée, les hommes sanitaires livrent dynamiquement les activités hygiéniques et anti-épidémiques dans les régions sinistrées, alors que les militaires et civils sont engagés comme un seul homme au rétablissement des dégâts d'inondation au nord de la province de Hamgyong du Nord. Le ministère de la Santé expédie les médecins pour régler à temps les problèmes posés, d'une part, et d'autre part, prend les mesures concrètes pour transporter le plus tôt possible les médicaments de toutes sortes nécessaires aux soins médicaux. Les médicaments de prévention et les seringues nécessaires à la vaccination préventive sont déjà fournis sur place et on s'efforce pour en envoyer davantage. Les mesures pour le travail hygiénique et antiépidémique dans les régions sinistrées sont discutées et le travail de ravitaillement dans les meilleurs délais de l'antiseptique pour la solution du problème d'eau potable des habitants est organisé.